Ptolémée, déçu dans ses espérances, se décide, sur les conseils de Photin, son bras droit, à faire assassiner César lui-même. Mais ses projets criminels sont dissimulés à Cléopâtre qui, après avoir vu César, est tout entière à la pensée de son amour pour lui. Photin et Septime s'éclipsent à l'arrivée de César, toujours accompagnés d'Antoine et de Lépide, mais sa garde est renforcée par d'autres soldats romains. On se souviendra que depuis l'instauration de la République, en 509 avant Jésus-Christ, Rome a horreur des rois et que flammes et feux sont parmi les images habituelles du langage galant.